إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Donc, cher frère Allah Azza wa Jal, on va faire aujourd'hui, on va commencer en tout cas l'étude du troisième annulatif, An-Naqid al-Thalith min Nawaqid al-Islam, de Cheikh Mohammed ibn al-Wahhab, rahimahullah ta'ala. Et donc, on avait fait l'introduction de Cheikh Mohammed ibn Omar ibn Salim Bazmoul, hafidahullah ta'ala, de cette explication de l'épître An-Naqid al-Islam de Cheikh Mohammed ibn al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, ce grand imam, Cheikh al-Islam, mort en 1206 de l'Hégire. Et il avait fait une introduction en 15 règles sur les règles du takfir. Et puis ensuite, on avait fait le naqd al-awwal, c'est-à-dire le premier annulatif, le naqd al-thani, le deuxième annulatif. Et puis maintenant, aujourd'hui, on va rentrer, inshallah, en tout cas, dans le naqd al-thalith, min nawaqid al-islam, c'est-à-dire le troisième annulatif parmi les annulatifs de l'islam. Et il dit, rahimahullah ta'ala, qala al-musannif rahimahullah ta'ala, al-thalith, ay al-thalith min nawaqid al-islam, qu'on va s'attacher à étudier, inshallah, tout au long de ces cours. Naqid al-Thalith, d'abord le titre, « Man lam yukaffir al-mushrikin aw shakka fi kufrihim kafar » Donc, « Qal al-musannif rahimahullah » Al-musannif, c'est l'auteur. « Al-Thalithu » Ay, « Al-Thalith » Al-Naqid al-Thalith, « Man lam yukaffir al-mushrikin aw shakka fi kufrihim aw sahaha madhabahum kafara » Donc, l'auteur qui est Cheikh l'Islam, Mohammed ibn al-Wahhab rahimahullah ta'ala, ce grand imam parmi les imams de la communauté, mort en 1206 de l'Hégire, il nous dit, qu'Allah lui fasse miséricorde, celui qui ne juge pas mécréants, les associateurs, ou doute de leur mécréance, ou considère leur voie comme étant correcte, aura mécru. Maintenant, l'explication de ce troisième naqid, on ne va pas le finir aujourd'hui, mais on essaiera d'avancer autant qu'on le peut aujourd'hui, inshallah. Il dit, Cheikh Mohammed ibn Omar Bazmoul, dans l'explication de ce troisième naqid, وجه كونه ناقضا من نواقض الإسلام أن فيه تكذيبا لقول الله تبارك وتعالى ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذ إن الله تبارك وتعالى أخبر بكفر الكفار وبكفر المشركين فمن لم يكفر من كفره الله فقد كذب الله ومن كذب الله فقد كفر والمصنف ذكر أمورا ثلاثة الأمر الأول من لم يكفر المشركين الأمر الثاني من شك في كفرهم والأمر الثالث من صحح مذهبهم. Donc Cheikh Mohammed bin Omar bin Salim Bazmoul, qu'Allah le préserve et le récompense en bien, explique ce troisième annulatif de la manière suivante, en disant: cela fait partie des annulatifs de l'islam, car il y a en cela le fait. Maintenant, il explique en fait pourquoi c'est un naqid. Quel naqid? Qui connaît le matin? En tout cas, jusqu'ici le matin. Et je vous recommande, les frères, et pour les sœurs qui nous écoutent, c'est encore une nasiha de ma part. Hein? Moi je le dis, Inch'Allah, moi je le connais ce matin. Je ne dis pas ça pour me vanter les shahadas, c'est pour vous motiver. Là, c'est un des premiers motons qu'on a hafad à l'époque. Hein? D'accord? Donc, Inch'Allah, il faut hafad se mettre là par cœur. Il faut essayer de l'hafad. Il faut essayer de hafad le fawaïd aussi, les bénéfices, comprendre, etc. Et de revoir les notes. Chaque fois, on le met en PDF pour vous, hein, pour que vous puissiez revoir vos notes. On a 12 PDF maintenant, il y a le 13e qui va sortir, Inch'Allah. Donc c'est important de mémoriser ce texte-là de Cheikh Mohammed al-Wahhab. Il est très court. Il est vraiment très court. Imaginez-vous, regardez combien de cours on a fait jusqu'à maintenant. On est qu'au troisième cours, on a fait le troisième naqid. Hein? Même les règles du takfir, vous aurez fait les étudier par cœur. En tout cas, les titres, et quelques adillah, et quelques qawaïd, etc. D'accord ? Qui connaît ce troisième naqid par cœur ? Fadal ? من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. Voilà. يعني c'est pas compliqué, c'est pas difficile, hein, comme cela. Imaginez-vous qu'à la fin de ce livre, eh bien vous auriez quoi? Vous auriez connu un matn par cœur parmi les moutons importants dans l'aqida et vous vous rappelez l'importance pour laquelle et les raisons pour lesquelles on étudie ce livre. Parmi les raisons, ce qu'on ne tombe pas dans un tenu waqidla. Wal'adou billah min dalik. Là, on parle des choses qui font sortir de l'islam, wal'adou billah. D'accord? Et puis aussi, une nasiha, chacun se pose la question à lui-même, c'est de savoir aussi par rapport à notre niya, notre sincérité. Est-ce qu'on veut vraiment faire un livre pour le faire? C'est-à-dire, on le connaît bien et on le maîtrise, et on le comprend bien, on le met en application, ou est-ce qu'on veut se faire croire à soi-même qu'on l'a fait? Donc c'est important. Je dis, moi je ne juge pas les gens, et j'ai dit que je motive simplement, et que si de temps en temps il y a des frères de manière sur une base volontaire, comme on dit, ils veulent participer et réciter le texte par cœur, on le fait. On ne va pas mettre les gens mal à l'aise, etc. Mais c'est important de bien faire les choses. Le hivd et le fahm que vous regroupez entre la mémorisation et la compréhension, c'est très important. Donc, Cheikh Mohamed Bazmoul, hafidhahullah ta'ala, il explique ce matin, il dit, cela fait partie des annulatifs de l'islam. Donc maintenant, le matin que le frère va nous réciter, il nous a dit, c'est quoi le troisième naqid? Le troisième naqid, c'est quoi? C'est lui qui ne juge pas mécréant les associateurs, ou doute de leur mécréance, ou considère leur voix comme étant correcte, aura mécru. Pourquoi c'est un naqid? Le cheikh, c'est ce qu'il explique ici. Il dit, cela fait partie des annulatifs de l'islam, car il y a en cela le fait de démentir la parole d'Allah, le Très-Haut, et la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah, le Très-Haut, a informé de la mécréance des mécréants, et de la mécréance des associateurs, al-mushrikoun. Et quiconque ne juge pas mécréant ceux qu'Allah a jugés mécréants, aura alors quoi? Démenti Allah. Et quiconque démentit Allah aura alors mécru. Vous voyez pourquoi c'est l'explication ici. Et Cheikh il dit, et vous voyez bien ça dans le matn, il dit, man lam yukaffir mushrikin, ou shakka fi kufrihim, ou sahha madhabahum faqad kafar. Ou ici il a dit dans le matn, en tout cas c'est quoi? C'est kafar. D'accord? Il y a combien de choses ici? Il y en a trois. La première, c'est quoi? Et c'est les trois choses que l'auteur a mentionnées, rahimahullah. Celui qui ne juge pas les associateurs comme étant mécréants. Première chose. Deuxième chose, celui qui doute de leur mécréance. Troisième, celui qui considère leur voix comme étant correcte. Et vous voyez que c'est pas... c'est trois choses différentes, d'accord? Donc ici, il cite un hadith, il dit « An Abi Hurayrata an Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala والذي نفس محمد بيده لا يسمع أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. عفوا les frères, pour les frères qui ont le livre, c'est page 106 maintenant. On a commencé page 105, maintenant on est page 106. C'est un hadith qui est rapporté par Muslim dans Kitab Iman, Bab Wujub al-Iman bi Risalati Nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. يعني سأسأل أبو الشيخ بزمول أنه كافر مخلد في النار فمن لم يكفر الكافر كذب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن شك في كفر اليهود أو في كفر النصارى أو في كفر المشركين فقد شك في صدق كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ومن شك في صدق كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كفر. قال تبارك وتعالى ومن أصدق من الله قيلا سورة النساء. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main, c'est-à-dire que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il jure par Allah, n'entendra à mon sujet un juif ou un chrétien de cette communauté, puis meurt sans avoir cru en ce avec quoi j'ai été envoyé, sans qu'il ne soit parmi les gens de l'enfer. D'accord? Alors ici, peut-être une faïda que vous avez déjà entendu des mashaykhs, c'est un point, comme ils disent en anglais, un side point. C'est quoi? C'est que, il a dit, min hadihil umma. Alors qu'il a dit, yahoudi, Aou nasrani, comment ça se fait? نعم لا لا لا لا بس كلا كوميونيتي كويا أمة الدعوة وأمة Hein? La Umma d'appel et la Umma de quoi? Qui a répondu à cet appel. D'accord? Donc ici, c'est quoi? C'est le sens de quoi? Ummatu Da'wa. C'est une faïda que je vous donne en plus. Comme ça. Les ulama rapportent en général quand ils font l'explication de ce hadith. Et donc le hadith, il a été rapporté par Muslim dans son authentique, dans son sahih, livre de la foi, Kitab l'Iman, chapitre de l'obligation de croire au messager de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hadith numéro 153. Le titre du chapitre, il est clair ici. Puis Cheikh, il dit, c'est-à-dire, illa kana min ashabin nar, c'est-à-dire, ya'ni annahu kafirun mukhalladun fin nar. C'est-à-dire qu'il est mécréant, voué à rester en enfer éternellement, qu'Allah nous préserve de cela. Donc Cheikh, il dit, donc celui qui ne juge pas le mécréant comme étant mécréant, aura démenti Allah le Très-Haut et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez compris pourquoi il a cité le hadith ici? Hadith, c'est une preuve de quoi? Non, exactement. Et que c'est un texte qui est quoi? Qui est clair, qui est authentique. On est obligé de croire en ce texte-là. D'accord? Et donc toute personne qui ne jugerait pas mécréant, qu'est-ce qu'il aura fait par rapport à ce texte-là et par rapport au messager sallallahu alayhi wa sallam? Non? D'accord? Et justement ici, ce que vient de dire le frère, c'est ce que le chef explique. Il dit, et celui qui doute de la mécréance des juifs, ou de la mécréance des chrétiens, El Yahoud al-Nasara, ou de la mécréance des associateurs, aura douté de la véracité de la parole d'Allah. Et de la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et quiconque doute de la véracité de la parole d'Allah et de la parole du messager, sallallahu alayhi wa sallam, aura mécru. Puis il cite un verset, un dalil de Sourate Nisa. Allah le Très-Haut dit, selon la traduction du sens est, et qui est plus véridique qu'Allah en parole? Sourate Nisa. Verset 122. Puis, il rapporte un point ici qui est important. C'est ce qu'on appelle l'an al-mu'ayyan min al-kuffar. On ne va pas rentrer trop en détail là-dessus, mais Cheikh il le rapporte. On va rapporter ce qu'il nous rapporte, inshallah. Na'am ahlus sunnati la yujizuna la'an al-mu'ayyan min al-kuffar. Imma al-karahati ou al-tahrim. On va expliquer ce que c'est le karah ou le tahrim. C'est important de connaître ces termes-là. Un salafi, un talib ilm, il doit maîtriser ces notions-là. Wa la yujizun al-hukm al-mu'ayyan min al-kuffar bi'annahu khalidun mukhalladun fi an-nar. Li'annana la nadri bimada yukhtamu lah. Fa'in ma ta'lamahu alayhi min al-kufri hakamna alayhi bihasabih. Wa yajuzu takfir al-kuffar al-umum. Naqul al-yahud kufr. اليهودية كفر واليهود كفار خارجون من الدين وهم من أهل النار خالدون مخلدون فيها ونقول النصارى كفار خالدون مخلدون في النار ونقول إن المشركين شركا أكبر خالدون في النار وحينما نأتي إلى المعين نمتنع من الحكم عليه بعينه منهم أنه من أهل النار إلا إذا قيدنا الكلام فنقول إن مات على ما هو عليه فاليهودي المعين إن مات على يهوديته فهو في النار والنصراني المعين إن مات على نصرانيته فهو في النار والمشرك المعين إن مات على إشراكه فهو في النار وهو كافر خالد مخلد في النار. C'est important de maîtriser ces notions. Je vous expliquerai dans un instant pourquoi, inshallah. Oui, les gens de la sunna n'autorisent pas de maudire ce qu'on appelle l'an un individu spécifique. Maintenant, vous savez ce que c'est. On a vu takfir al-am, ou plutôt le mutlaq, et takfir al-mu'ayyan, d'accord? Takfir al-am, takfir al-mu'ayyan, on a vu c'était quoi toutes ces notions-là, le takfir absolu, le takfir d'un individu spécifique. On avait expliqué que Cheikh Obed, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit que, rahimahullah, quand c'est un individu spécifique, mu'ayyan, c'est quoi? C'est Fulan, ou Cheikh Bazmoun, d'ailleurs lui-même dans le livre, Fulan, Ibn Fulan, un tel, le fils d'un tel, c'est-à-dire quelqu'un de spécifique. Donc il dit, les gens de la sunna n'autorisent pas de maudire un individu spécifique parmi les créants, parmi les mécréants, soit en termes de karaha, c'est ça le mot qu'il a utilisé le shir ici, soit en termes de tahrim. Alors c'est quoi la différence? Eh bien, al-makruh, il faut savoir que les ulama quand ils parlent d'un terme comme ça, maintenant on rentre dans usul fiqh, ils donnent toujours la définition de quoi? La définition, al-ma'na al-lughawi ou al-ma'na al-istilahi. D'accord? On ne va pas entrer trop en détail. Une faïda très intéressante, Cheikh Al-Uthaymeen l'a rapporté. Pourquoi ils font ça? Ben je vous renvoie à la source que je vais, à laquelle je vais vous renvoyer dans un instant, Inch'Allah. C'est un Sharh Usul min Ilm al-Usul. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce livre? Hein? C'est un livre qui est le Sharh d'un autre livre, mais les deux sont du même auteur. Usul min Ilm al-Usul. Sharh Usul min Ilm al-Usul. D'accord? Al-Usul min Ilm al-Usul, c'est un livre de qui? Le Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, rahimahullah. C'est un livre que je vous conseille. Il a été publié une belle tab'a, je vais vous la donner dans un instant, Inch'Allah. Et c'est un gros volume. Mais c'est très facile à lire. Hein? C'est un bon matn pour un débutant dans Usul Fiqh. D'accord? Et c'est un sujet important d'étudier l'Usul. Et Cheikh Uthaymeen, il a écrit ce livre. Pourquoi? Dans le sujet de l'Usul. Et il a fait lui-même le Sharah. Et ça a été publié. Donc il fait le Sharah de son propre livre à lui, si vous voulez. D'accord? Il a fait son matn dans Usul Fiqh. Et il fait le Sharah de ce matn-là. Et le tout s'appelle Sharah al-Usul min ilm al-Usul. Donc il donne le ta'rif l'ougaoui. Il dit c'est quoi le makrouh? Il explique de quel verbe ça vient, ça nous rapporte en manière résumée. Le makrouh, si vous voulez, c'est al-mubghad. D'accord? Ce qui est détesté. Mais dans l'istilah, dans le jargon religieux, et si vous voulez savoir pourquoi les ulama rapportent toujours le ma'na l'ougaoui, le ma'na l'istilahi, hein? Et c'est quoi la fa'ida de ça? Ben, revenez au livre de Sharh al-Uthaymeen que je viens de citer. Il dit, rahimahullah, Sharh al-Uthaymeen, c'est ce que, donc on parle de quoi ici? Le makro. C'est que ce que le législateur, et quand on parle de législateur, on parle de qui? Sharh al-Uthaymeen dit Allah puis son messager, alayhi salatu wassalam. C'est ce que le législateur a interdit, mais ne nous a pas rendu obligatoire de le délaisser. Mais amarana al-shari'u bitarkihi. Il a dit Sharh al-Uthaymeen exactement la définition comme ça. D'accord? Il dit c'est ce qu'Allah nous a interdit. Pardon, c'est Alladhi nahana Allah anhu wa lam ya'mur nabi tarkihi. Ay lam nulzam bi tarkihi. C'est-à-dire c'est ce qu'Allah nous a interdit, mais nous a pas rendu obligatoire de le délaisser. Et puis il donne un exemple, Sharh al-Uthaymeen, dans le livre. On pourrait aller en détail dans l'exemple, mais nous on va se limiter à ce qu'on peut se limiter. Il a donné un exemple, par exemple, quelque chose de makruh. C'est de prendre quelque chose ou de donner quelque chose de la main gauche. D'accord? Et il a dit, et on n'a pas donné comme exemple le fait de boire ou manger avec la main gauche. Pourquoi? Parce que l'interdit. Parce que la vie le plus correcte, c'est que c'est haram. Et alors que le makruh, c'est pas le haram. D'accord? C'est quoi la différence entre le makruh et le haram? Vous allez mieux le comprendre dans un sens qu'on va expliquer les deux. D'accord? On peut déjà le dire, c'est quoi la différence entre le makruh et le haram? Ou le muharram, si vous voulez. C'est quoi? Revenons à la définition. C'est quoi le makruh, il a dit? C'est ce qu'Allah nous a interdit, mais cela ne nous a pas été rendu obligatoire de le délaisser. Le muharram, c'est ce qui nous a été interdit, mais qui nous a été rendu obligatoire de le délaisser. Puis donc on a donné l'exemple, c'est quoi le makruh? C'est de prendre ou de donner de la main gauche. Et c'est important, hein, que quand vous voyez quelqu'un qui donne de la main gauche ou qui prend de la main gauche, etc., que vous le corrigez. Hein, surtout les enfants qui grandissent avec cette de faire les bonnes choses de la main droite. D'accord? Parce que quelqu'un va peut-être dire, mais c'est makruh, c'est pas haram. Attends, deux secondes, Inch'Allah, tu vas comprendre. Inch'Allah. Hein? Et celui qui le délaisse, le makruh, par obéissance à Allah, est récompensé. Vous avez vu le qaïd qu'on a mis ici? On a dit quoi? Imtithalan, sur l'Uthaymeen, il dit. Hein? En obéissance à Allah, est récompensé. Et celui qui le fait n'est pas châtié. Wa fa'iluhu la yu'aqab, il a dit sur l'Uthaymeen. Lakin man taraka imtithalan. Celui qui le délaisse, par obéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala. Maintenant, si vous voulez du détail, allez voir. C'est très intéressant, Sharh al-Uthaymeen, comment il amène le masail et comment il explique les différences, etc. Hein? Il ne faut pas avoir peur de ça, ilm, parce que on sait des fois que certains de nos frères et nos sœurs, certaines sciences, ça leur fait peur, ils n'osent même pas toucher. Mustalah al-Hadith. Ah, c'est quoi le Mustalah? Oh, c'est compliqué. C'est quoi Usul Fiqh? Là, c'est compliqué. Là, essayez, bismillah, et commence par les livres de base. Le Mustalah al-Hadith, tu lis le Bayqouni, par exemple. Cheikh Abdel Boukhari, il a une explication qui existe sur son site en audio et qui est publiée en livre, en un volume. Et d'autres, mais Sharh al-Uthaymeen, il a Sharh al-Bayqouni aussi. D'accord ? Il y a d'autres shurouh qui existent. Hein ? Si je ne me trompe pas, M. Raslan, il en a une sur son site. Dans l'usul, par exemple, le matn qu'on vient de citer, c'est quoi ? L'usul min ilm ? L'usul de Cheikh Al-Uthaymeen, par exemple. Donc, il dit, écoutez bien cette parole de Cheikh Al-Uthaymeen, mais ne sois pas négligent envers ce makruh. Car on craint, il dit Cheikh en arabe dans le livre, il dit yukhsha. Il est craint ou on craint que ce makruh soit une wasila, un moyen vers le muharram. Car ce qui est makruh détesté est makruh pour la législation. Mais pour pas que cela soit lourd pour la communauté et les serviteurs, cela a été allégé pour eux. Et il se peut que cela soit un moyen vers le muharram, vers ce qui est illicite. Comme quoi ? Comme les sara'ir sont une wasila vers le kaba'ir. Et comme les kaba'ir sont une wasila vers le kufr. Hein ? Comme l'a dit Cheikh Al-Uthaymeen ici, il a dit quoi ? Il a dit, il se peut que cela soit un moyen vers le muharram, l'illicite, comme les péchés mineurs peuvent être un moyen vers les péchés majeurs. Et les péchés majeurs, un moyen vers la mécréance. Alors je vous donne la référence. Voir Sharh al-Usul min al-'Ilm al-Usul de Cheikh Mohamed bin Salih al-Uthaymeen, qu'Allah lui fasse miséricorde, page 62-63 aux éditions Dar ibn al-Jawzi. C'est une bonne édition, c'est un papier jaune, un excellent papier, c'est une tab'a qui est sérieuse, un bon volume en cuir. Hein. Essayez d'éviter les éditions que certaines éditions égyptiennes qui ne prennent que des cassettes et qui recopient, etc., et qui n'ont pas été revues par le Cheikh, hein, et qui n'ont même pas les droits de publier de toute façon. Maintenant, on a parlé de quoi ? Al-makruh. On a dit que c'est dans le sens linguistique, c'est quoi ? C'est ce qui est détesté. Al-mubghad. Dans le jargon religieux, on a dit que c'est ce que le législateur a interdit, mais ne nous a pas rendu obligatoire de délaisser. On est d'accord là ? Hein ? Il a donné un exemple, c'est quoi ? C'est le fait de prendre et de donner de la main gauche, par exemple. Maintenant, le muharram. C'est quoi le muharram ? Dans le sens linguistique, c'est ce qui est interdit. Al-mamnou'a. Et dans l'istilah, c'est ce qui a été interdit par le législateur, manahana anhu al-shari'u, et qui nous a été rendu obligatoire de délaisser. D'accord ? Comme par exemple, la désobéissance aux parents. Aqouq al-walidayn, il a dit le cheikh. Il a donné ça comme exemple. Et celui qui le délaisse par obéissance à Allah est récompensé. Rien que sur ce mot-là, Intithalan, Cheikh, il a fait toute une explication en pas mal de lignes. Pourquoi ? Parce que quelqu'un, il peut le délaisser. Ajzan, ou il est ajiz, comme on dit, tarakahu li anahu ajiz, ou li anahu ghafil. Parce que quelqu'un, il veut faire quelque chose de haram, mais il n'a pas la capacité. Hein ? Mais c'est quoi ? Est-ce qu'il a le même péché que celui qui le fait ? Ou il a un péché que pour sa niya ? Hein ? Il a un péché pour sa niya, comme dit sur le Uthaymeen. D'accord ? Et puis il y a celui qui rafel, qui n'a même pas pensé à ça. D'accord ? Revenez à Cheikh Al-Uthaymeen, qu'il est dans le... Mais c'est intéressant. Moi je dis tout ça, pourquoi ? Pour vous intéresser, pour susciter votre curiosité. Donc vous alliez plus dans ce genre de livre. Donc il a dit ici, le Cheikh, c'est ce qui était interdit par le législateur et qui nous a été rendu obligatoire de délaisser, comme la désobéissance aux parents. Et celui qui le délaisse par obéissance à Allah est récompensé, et celui qui le commet mérite d'être châtié. Vous avez la différence par rapport au makruh ? Alors je vous donne une référence pour plus de détails. Ben, c'est le même livre, Sharh al-Usul min 'Ilm al-Usul, de Cheikh Mohamed bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah. Mais au lieu de page 62-63, ben, c'est les pages juste avant, c'est page 57-61, aux éditions d'Arab al-Jawzi toujours. Pourquoi ? Parce que c'est l'endroit où Cheikh Al-Uthaymeen parle de quoi ? Je vous aide avec mes doigts là. L'ahkam al-taklifiyya. C'est quoi l'ahkam al-taklifiyya ? Ça, tu m'as dit combien ? Je me suis dit c'est quoi ? Wajib. Et ouais, le wajib. Moubah. Le moubah. Mustahab. Ou le mendoub. Hein ? Et le makruh. On a déjà cité les cinq là, non ? Al-Mubah, Al-Wajib, Al-Mandoub, Al-Muharram, Al-Makruh. Donc on a fini ce point-là. Donc je répète cette phrase, on a juste défini ces deux termes. Oui, les gens de la sunna n'autorisent pas de maudire un individu spécifique parmi les mécréants, soit en termes de karaha ou en termes de tahrim. Ils n'autorisent pas de juger un individu spécifique parmi les mécréants comme étant en enfer éternellement, car nous ne savons pas quelle sera sa fin. D'accord ? S'il meurt sur ce qu'il est comme mécréance, alors nous le jugeons en fonction de cela. Et il est autorisé de juger les mécréants comme étant de mécréants de manière générale. Cheikh El dit, nous disons le judaïsme est une mécréance. Et les juifs sont des mécréants, qui sont en dehors de la religion. Et ils font partie des gens de l'enfer et sont voués à y rester éternellement. Nous disons, les chrétiens sont des mécréants qui sont voués à rester en enfer éternellement. Et nous disons, les associateurs, les mouchrikoun, qui associent Allah, regardez comment les ulama sont précis. Hein? On doit rajouter quelque chose. Qu'est-ce qu'on doit rajouter? Bon, les frères qu'on livre en arabe, c'est facile, mais qu'est-ce qu'on devrait rajouter pour être précis? Parce qu'on parle des gens qui sont voués à l'enfer éternel. Non, on doit dire que c'est quoi? Les associateurs qui associent Allah d'une association majeure sont voués à rester en enfer éternellement. Et lorsque nous parlons d'un individu spécifique parmi eux, nous nous empêchons de le juger lui de manière spécifique qu'il fait partie des gens de l'enfer. Sauf, si nous mettons une restriction à cette parole en disant s'il meurt sur ce qu'il est. D'accord ? Et là, vous voyez l'erreur. Vous n'allez pas voir les vidéos, mais Anjem Choudhry, vous avez entendu parler de cette personne-là. C'est la tête, si on peut appeler ça une tête, hein, de Sharia for UK. Ça a pris d'autres noms, ça a pris El Muhajiroun, ça a été El Ghuraba, ça a été fait. Hein, chaque fois qu'ils se font interdire, ils changent de nom, etc. À la Kouli Hal, hein, c'est un tekfiri notoire, un ignorant de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit justement à un moment, un certain journaliste, il dit oui, tu vas être le feu de l'enfer, il lui dit. Tu vas être le fuel de l'enfer, il lui dit. Hein? Ouvre au Sul Sunnah, l'imam Ahmed, on l'a fait au Sul Sunnah, l'imam Ahmed. Vous vous souvenez du chapitre là-dessus? Regardez ce qu'il dit Cheikh Mohamed Bezmoul ici. Vous voyez qu'il y a des notions de base dans l'aqidah, ils ne les connaissent pas, ou ils ne les maîtrisent pas, ou ils ne veulent pas les connaître. Hein? Donc Cheikh, il dit ici, et lorsque nous parlons d'un individu, quoi? Ici on a parlé d'un individu spécifique, quelqu'un de particulier. Parmi eux, parmi qui? Le kuffar. Nous nous empêchons de le juger lui de manière spécifique qu'il fait partie des gens de l'enfer, sauf si nous mettons une restriction à cette parole en disant s'il meurt sur ce qu'il est. Maintenant, vous vous rappelez qu'on a vu dans le sunnah qu'il y a des gens, on dit qu'ils sont en enfer. Pourquoi est-ce qu'on le dit? Et qu'est-ce qu'il avait donné? Qu'est-ce qu'on avait donné comme exemple? Hein? Pharaon, par exemple, Pharaon. Tu vas dire qu'il n'est pas en enfer. Non, tu dis il est en enfer. Pourquoi? Parce qu'il y a des textes qui sont clairs. Vous voyez, hein? Je vous renvoie pour les frères qui n'étaient pas là. Vous voyez l'importance d'assister au cours et de faire livre après livre. Parce qu'il y a des notions de base qui reviennent. Hein? Des notions de base qu'un salafi doit connaître, il doit maîtriser. Puis Cheikh, il dit, donc le juif spécifique, s'il meurt sur son judaïsme, est en enfer. Il a dit quoi ici? Vous attendez les mots, il a dit quoi? Les juifs, quoi? Spécifique. Et c'est quoi la restriction de Qaïd qu'il a mis? Sur son judaïsme. Maintenant, vous pouvez faire la même chose avec le Nasrani. Un Nasrani mu'ayyan. Il mette à la mahoua. Alihi. Et le chrétien spécifique, s'il meurt sur son christianisme, est en enfer. Ça, on n'avait pas lu en arabe, non? Si? والنصراني المعين إن مات على نصرانيته فهو في النار والمشرك المعين إن مات على إشراكه فهو في النار وهو كافر خالد مخلد في النار et l'associateur spécifique s'il meurt sur son idolâtrie est en enfer et il est voué à rester éternellement en enfer نعوذ بالله من ذلك وما ورد من لعن الرسول صلى الله عليه وسلم لكافرين بأعيانهم فقد ورد أنه منسوخ عن سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة من الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن أمية والسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. Ça, ce verset-là, on l'a déjà expliqué et on a déjà parlé de ces trois personnes-là quand on a fait le premier livre ici à Birmingham, qu'on avait fait à l'époque. C'était les 21 hadiths dans l'Aqidah al-Ittiba' expliqué par Cheikh Rabi' Hafidhahullah Ta'ala. Donc ici, qu'est-ce qu'il dit le Cheikh? Il dit, est-ce qu'il a été rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a maudit des mécréants de manière spécifique? Il a été rapporté que c'est Mansour, abrogé. Donc si vous voulez savoir c'est quoi le Mansour, revenez à quel livre? Al-Usul min al-Usul de Cheikh al-Uthaymeen avec le Sharh. D'après Salim, d'après son père, qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il relevait sa tête de recours, de l'inclinaison de la dernière unité de prière, la dernière raka'a. De quelle prière? De la prière du Fajr. Dire, oh Allah, maudit un tel, et un tel, et un tel. Et c'est après qu'il ait dit, sallallahu alayhi wa sallam, Sami'a Allahu liman hamidah, Rabbana wa laka alhamd. Allah révèle alors le verset dont la traduction du sens est, tu n'as Muhammad aucune part dans l'ordre divin, qu'il Allah accepte le repentir en se convertissant à l'islam ou qu'il les châtie car ils sont bien des injustes. Surat Ali Imran, verset 128. Et dans une autre version du hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah contre Safwan ibn Umayyah et Suhail ibn Amr et Al-Harith ibn Hisham et le verset fut révélé dans la traduction du sens est, tu n'as Muhammad aucune part dans l'ordre divin qu'il Allah, c'est-à-dire Allah, accepte le repentir en se convertissant à l'islam ou qu'il les châtie car ils sont bien des injustes. Si vous voulez charh un peu plus complet, revenez au livre de Sharabia qu'on a dit. Surat Al-Imran, verset 128. Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari dans son authentique livre des expéditions, Kitab al-Maghazi, chapitre 2, tu n'as Muhammad aucune part dans l'ordre divin. Hadith numéro 4070. Puis Cheikh rapporte d'autres preuves. Il dit, ومن الأدلة قوله تبارك وتعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقوله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. هذا الفرسي كما يقول إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار. وقوله وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وقوله إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. ففي هذه الآية دليل على أن الكافر الذي يستحق الخلود في النار والذي يلعن هو الذي مات كافرا. أما قبل ذلك فأمره إلى الله إذ لا نعلم حاله عند الموافاة. Cheikh, il rapporte, il dit, et parmi les preuves, sa parole, dont la traduction du sens est, ceux qui ne croient pas et meurent mécréants recevront la malédiction d'Allah, des anges et de tous les hommes. Surat al-Baqarah, verset 161. Et sa parole, dont la traduction du sens est, ceux qui ne croient pas et qui meurent mécréants, il ne sera jamais accepté d'aucun d'eux de se racheter, même si pour cela ils donnaient le contenu en or de la terre. Ils auront un châtiment douloureux et ils n'auront point de secoureur. Surat Al-Imran, verset 91. Et sa parole dans la traduction du sens est, mais l'absolution n'est point destinée à ceux qui font de mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux et qui s'écrie, certes, je me repens maintenant, non plus pour ceux qui meurent mécréants, et c'est pour eux que nous avons préparé un châtiment douloureux. Surat Nisa, verset 18. Et sa parole dont la traduction du sens est, ceux qui ont mécru et ont obstrué le chemin d'Allah, puis sont morts, tout en étant mécréants, Allah ne leur pardonnera jamais. Surat Muhammad, verset 34. Il y a certes dans ce verset une preuve que le mécréant qui mérite d'être éternellement en enfer et qui est maudit, est celui qui est mort mécréant. Tandis qu'avant cela, son affaire revient à Allah, car nous ne savons pas quelle sera sa situation au moment de mourir. Alors pour les frères qui sont en arabe ici, il y a une longue note de bas de page ici, de Cheikh Bazmoul, hafidhahullah, qui rapporte une parole d'Ibn al-Arabi, rahimahullah, dans son livre « Ahkam al-Qur'an ». Je voulais la faire aujourd'hui, mais je ne la ferai pas aujourd'hui. Parce qu'il y a un point que je voudrais en fait demander à un cheikh avant de traduire. Et c'est le point concernant, tout en bas de la page, vous voyez ici un hadith, il dit « وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ قَالْ » La page suivante, اللهم إن عمر بن العاص هجاني قد علم أني لست بشاعر فلعنه اللهم وهجوه عدد ما هجاني فلعنه وقد كان إلى الإسلام والدين الإيمان مآله وانتصف انتصف ça veut dire être juste, agir avec justice et équité. بقوله عدد ما هجاني ولم يزد ليعلم العدل والإنصاف والانتصاف وأضاف الهجوة إلى الباري سبحانه وتعالى في باب الجزاء دون الابتداء بالوصف له بذلك كما يضاف إليه الاستهزاء والمكر والكيد سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. Ce point là ici, il y a un point par rapport à l'hajou que je voudrais demander à un cheikh avant de traduire pour pas qu'on on parle sans science. Donc on va laisser ça pour la note en PDF inshallah. Donc revenez au PDF numéro 13 sur notre site spfbirmingham.com inshallah. Nous on continue le livre en attendant. قال ابن تيمية رحمه الله واللعنة تجوز مطلقا لمن لعنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأما لعنة المعين فإن علم أنه مات كافرا جازت لعنته وأما الفاسق المعين فلا تنبغي لعنته لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يلعن عبد الله بن حمار الذي كان يشرب الخمر مع أنه قد لعن شارب الخمر عموما مع أن في لعنة المعين إذا كان فاسقا أو داعية إلى بدعة النزاع. الحديث كلا سيتي السيخ للنهي دي بخفصة أن يلعن عبد الله بن حمار الذي كان يشرب الخمر رجل عنه وأرضاه إلى أن يرابخته بغل بخاري في كتاب الحدود باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الدين ولفظه عن عمر بن الخطاب أن رجلا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب فأتي به يوما فأمر به فجلد فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله. Puis la parole d'Ibn Taymiyyah, il a rapporté dans Majmou' al-Fatawa, dans le volume 6 et volume 8. Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit « Et la malédiction est autorisée de manière absolue, mutlaqan, au sujet de ceux qu'Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont maudit. Quant à la malédiction d'une parole, d'une personne spécifique, regarde encore une fois ce qu'on appelle mutlaq et al-mu'ayyan ici, ou plutôt l'a'n, l'a'n al-mutlaq ou l'a'n al-mu'ayyan, ou bien l'a'n al-mu'ayyan. Et la malédiction est autorisée de manière absolue au sujet de ceux qu'Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont maudit. Quant à la malédiction d'une personne spécifique, si on sait qu'elle est morte mécréante, alors il est permis de la maudire. Quant au pervers, maintenant c'est qui ? Al-fasiq, spécifique, il ne convient pas de le maudire en raison de l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam de maudire Abdullah ibn Himar qui buvait de l'alcool. Rapporté par Al-Bukhari dans son authentique livre des peines légales, chapitre la détestation de maudire celui qui boit de l'alcool et ne sort pas de la religion. Regardez comme le titre du chapitre, c'est déjà un rad sur le khawarij. Comment il a péché Arif al-Khamr qui ne sort pas de la religion. C'est ça que l'imam Bukhari rahimahullah l'a dit. Voyez, c'est pour ça que l'ulama dit fiqh al-Bukhari fi tarajumihi. L'ilm de Al-Bukhari, la compréhension de Al-Bukhari, tu la vois dans ses titres des chapitres. Hadith numéro 6780 et sa formulation d'après Omar ibn al-Khattab qu'un homme qui s'appelait Abdullah et qui était surnommé Himar au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait rire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait flagellé en raison de la consommation d'alcool et un jour il fut amené, il ordonna qu'il soit flagellé et il le fut. Et un homme parmi les gens dit « Oh Allah, maudis-le !» Comme sont nombreuses les fois où il est amené. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors « Ne le maudissez pas, car par Allah je sais qu'il aime Allah et son messager. » D'accord. Et cette parole d'Ibn Taymiyyah, elle est rapportée dans Majmou al-Fatawa d'Ibn Taymiyyah, volume 6, page 511, et voir aussi volume 8, page 335. فمن شك في هذا الأمر ولم يكفر من كفره الله أو شك في تكفير من كفره الله فقد شك في صدق كلام الله وفي صدق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذا إن كذب كف هؤلاء كفري تقول لي حالي سيدور نفضل لابخشيون فقد كذب كلام الله والرسول صلى الله عليه وسلم. ومن شك في كلام الله تبارك وتعالى أو كذب كلام الله تبارك وتعالى ومن شك في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو كذب كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كفر وخرج من الإسلام. شيخ الدي شيخ محمد بن عمر بزمول حفظه الله تعالى il dit et de même quiconque voit que ce sur quoi sont les gens de la mécréance et les gens de l'association est correct, par exemple il dit que les voies sur lesquelles ils sont sont toutes une vérité. On n'a pas lu ça. Hein? Je répète cette partie ici. Donc celui qui doute dans cette affaire et ne juge pas comme étant mécréant celui qu'Allah a jugé mécréant, ou doute de juger mécréant celui qu'Allah a jugé mécréant, aura alors douté de la véracité de la parole d'Allah et de la véracité de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et de même, s'il dément la mécréance de ceux-là, il aura alors démenti la parole d'Allah et du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui doute de la parole d'Allah le Très-Haut ou dément la parole d'Allah le Très-Haut, et celui qui doute de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ou dément la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aura mécru et sera sorti de l'islam. Vous avez bien compris la différence entre le fait de démentir et le fait de douter? Le fait de douter, c'est déjà une mécréance. Hein? D'accord? Et on avait déjà vu ça quand on avait parlé du chèque. Et de même, quiconque voit que ce sur quoi sont les gens de la mécréance et les gens de l'association est correct, il dit que les voies sur lesquelles ils sont sont toutes une vérité, comme le cheikh il a dit en arabe ici. وَكَذَا مَنْ صَحَّ مَعَلِيهَ أَهْلُ الْكُفْرِ وَأَهْلُ الشِّرْكِ يَقُولُ هَذِي الْمَدَاهِبِ أَلَّتِي هُمْ عَلِيهَا كُلُّهَا حَقٍ أو يقول هذه الأديان كلها واحدة ومصدرها واحد أو يقول هذه المذاهب التي هم عليها صحيحة إذا صح ما هم عليه من الكفر فقد كفر. شيخ الدي حفظه الله تعالى il dit que les voies sur lesquelles ils sont toutes une vérité, ou il dit toutes ces religions ne sont qu'une seule religion et leur source est unique, ou il dit ces voies sur lesquelles ils sont correctes. S'ils voient ce sur quoi ils sont en termes de mécréance comme étant correct, il aura alors mécru. Puis cher, il rapportait un point important ici. Il y a un point dans le manhaj que j'aurais voulu vous rapporter par rapport à quelqu'un, mais je le ferai peut-être en dans le prochain, inshallah. D'un mubtadi connu, et les ulama, ils ont réfuté, notamment Cheikh Ahmed Bezmoun dans un de ses livres, une shubha par rapport à ça ici. Wa hadhihi al-kalima min al-shaykh tubayyin khuturat ad-da'wa al-haliyah al-yawm ila wahdat al-adyan. إذ حقيقة هذه الدعوة تصحيح عبادة الله بهذه الديانات، والله عز وجل يقول إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. وقال تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. شيخ الدين كيف تكون هذه الأديان اليهودية والنصرانية والسماوية أو غير السماوية صحيحة اليوم والله حكم أن لا دين عنده إلا دين الإسلام، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، وأخبر أن الأنبياء أخبروا أممهم بأن عليهم الإيمان بهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيبعث في آخر الزمان. قال تعالى يرضي علمكم منكم بخن القرآن وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ومعنى ذلك أن من بقي على ما كان عليه من الديانة السابقة ولم يأخذ بهذا الأمر هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كفر بالرسول الذي يؤمن به ويتبعه وكفر برسولنا صلى الله عليه وسلم. شيخ الدي حفظه الله تعالى et cette parole du شيخ quel شيخ؟ ها؟ Cheikh Bazmoul, c'est pas Cheikh Bazmoul, parce que Cheikh Mohamed Bazmoul, il va pas se citer lui-même. Hein? Ibn Taymiyyah, on a fini la citation d'Ibn Taymiyyah dans Majmu' al-Fatawa, volume 6 et 8. Vas-y. Non, Hassan, Cheikh Mohamed ibn al-Wahhab. Parce qu'il parle de quelle parole? De Naqid, de Thalith. Et cette parole du Cheikh montre le danger de ce prêche actuel aujourd'hui qui appelle à l'unité des religions. Ouais, on entend ce genre de discours. Car la réalité de cet appel est de juger l'adoration d'Allah au moyen de ses religions comme étant correcte, alors qu'Allah dit, selon la traduction du sens est, et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Comment Allah guiderait-il Mais je ne l'ai pas noté la traduction. C'est quoi? C'est Inadin Indallah l'Islam. C'est quelqu'un, Mus'haf en français dans son téléphone ou quoi, hein, qui me donne la traduction, sinon je la laisserai pour le PDF, Inch'Allah, parce que le Coran se traduit de manière précise. Donc, verset suivant. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Comment Allah guiderait-il des gens qui n'ont plus la foi après avoir cru et témoigné que le messager est véridique et après que les preuves leur sont venues? Allah ne guide pas les gens injustes. Surat Ali Imran, verset 85-86. Et c'est vrai que j'ai oublié de traduire le verset 19 de Surat Ali Imran. Puis cher, il dit, comment ces religions, le judaïsme et le christianisme et les célestes ou pas célestes, Samawiyah, pourraient-elles correctes aujourd'hui alors qu'Allah a jugé qu'il n'y a point de religion pour lui autre que l'islam? Et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le sceau des prophètes. Et qu'il a informé que les prophètes ont informé leur peuple qu'il leur était obligatoire de croire en ce prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sera envoyé à la fin des temps. Allah a dit dans la traduction du sens est, et lorsqu'Allah prit cet engagement des prophètes, regardez le verset comme il est clair. Chaque fois que je vous accorderai un livre de la sagesse et qu'ensuite un messager vous viendra confirmer ce qui est avec vous, vous devez croire en lui et vous devrez lui porter secours. Il leur dit, consentez-vous et acceptez-vous mon pacte à cette condition? Nous consentons, dirent-ils. Soyez-en donc témoins, dit Allah, et me voici avec vous parmi les témoins. Et c'est surat Ali Imran, verset 80. Le sens de cela, Cheikh Bazmoul, dit Hafidhahullah, le sens de cela est que celui qui reste sur ce quoi il était en termes de religion précédente et n'accepte pas cet ordre qui est de suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, aura alors mécru en le messager en qui il croit et qu'il suit, et aura mécru en notre messager sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que son messager lui a quoi? Hein? L'a informé, hein, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il allait venir et qu'il était obligatoire de croire en lui. Hein? Vous avez compris? Vous avez vu ici le wajh? D'accord? On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On est arrivé donc à page 112, et la prochaine fois, on rapportera la parole d'Ibn Kathir par rapport à ce verset-là. Qala Ibn Kathir, rahimahullah, yukhbiru ta'ala, ila akhiri kalam Ibn Kathir, rahimahullah. Puis on terminera peut-être, c'est possible, peut-être le troisième naqid, je l'espère en tout cas. Et donc, normalement, il y a cours la semaine prochaine, jusqu'à preuve du contraire, Inch'Allah. Et si on fait d'autres cours cette semaine, on se tient au courant via Twitter, via le site, etc. Je sais qu'il y a eu des problèmes sur notre site. On s'est beaucoup fait attaquer par des piratages ces derniers temps. Alhamdulillah, le frère qui s'occupe de notre site, qui est un frère de France, qui le fait fisabilillah d'ailleurs, il va tout changer, Inch'Allah. Il va tout améliorer, Inch'Allah. Donc, il est en train de faire un gros travail. Ça devrait être prêt dans quelques jours, Inch'Allah. Et donc c'est normal que si de temps en temps vous essayez d'accéder au site, que vous n'y ayez pas accès. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. En tout cas, avant de venir au cours, ça fonctionnait, alhamdoulilah. Donc ça c'était par rapport à notre site. Wa jazakumullahu khairan, wallahu a'lam, wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.